Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh ben bonjour, bonjour les auditeurs. Alors aujourd'hui, un peu spécial, parce que nous sommes à quelques semaines de ce Trail Walker Oxfam dont tout le monde parle en ville, peut-être, je ne sais pas. Alors, pour être sûr de tout ça, nous nous sommes dit au groupe local, ben, invitons un ami, un copain, qui connaît Oxfam un peu beaucoup, passionnément, je ne sais pas. Et puis, sur le trail, beaucoup de questions aussi, même au niveau du groupe local, parce que les gens l'ont entendu parler. Mais pour le coup, c'est à Nancy. Alors, Denis, tu es là en face de moi. Oui, oui, bonjour. Bon, salut Denis. Tu peux dire aussi d'où tu viens. Oui, oui, oui. Moi, je me considère un peu comme un partenaire d'Oxfam. On a organisé un certain nombre de choses ensemble autour de la sensibilisation à la solidarité internationale, on voilà, va dire. Pour faire court. Et puis moi, j'aime beaucoup chez Oxfam tout ce qui est lutte contre les inégalités. Ouais, qui est notre thème. Et les rapports qui sont très fournis sur les questions d'injustice fiscale au niveau national comme au niveau international. Ouais. Ben, merci de ta présence parce que dans mon environnement proche pour trouver un candide qui n'y connaît rien ou pas grand chose au trail walker. Voilà, ben, merci de ta présence. Et alors, tu peux me poser toutes les questions. Ah, mais ouais, ben là, ça va y aller. Sur le trail que pendant 20 minutes chrono avec une pause musicale que tu as pris soin de préparer ouais. Ça, au montage. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai choisi mes musiques et mes questions. Une musique qui swing ou qui danse ou qui marche, parce que, bon, Trail Walker, il s'agit de marcher. Alors, c'est à Nancy, c'est tout ce que je sais. Ouais. Tout ce que tu sais, 7-8 juin. Moi, je sais et que. Et après, vas-y, pose des questions. Voilà. Alors, disons grosso modo, dans ma tête, Oxfam, c'est une organisation non gouvernementale, c'est un mouvement de sensibilisation sur les questions de solidarité internationale. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de faire courir plein de gens? Parce que c'est ça les affiches qu'on voit en ville. Attention, c'est courir n'est pas le mot. Ils vont courir. Ah non, ils vont pas courir les gens. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, nous avons tous les profils d'équipe possibles et inimaginables. Le point de départ, c'est un Trail Walker Oxfam qui est né à Hong Kong en 1981. Hong Kong qui est un affilié historique de la Confédération des Oxfam. Et là-bas, les affiliés d'Oxfam ont trouvé que marcher, c'est bon pour la santé. Et Hong Kong, c'est très vertical. Hein. Il y a des immeubles et puis derrière, il y a la montagne. Et donc, ils se sont inspirés d'un process de l'armée australienne qui faisait marcher ses petits soldats 100 km en moins de 30 heures, par équipe de 4. Ah, et donc c'est ce qui va se passer sur Nancy. Ce n'est que ça et tout ça. Et depuis 1981, Oxfam Hong Kong a donné la recette à la maison mère, je dirais, à Londres, hein, qui a dit, mais oui, voilà une idée qu'elle est bonne, parce qu'effectivement, partir à 4 et se mettre une gentille pression pour faire 100 km... Il y a un esprit d'équipe qui se met en place automatiquement. Enfin, donc, c'était parti. Et chaque affilié Oxfam à travers le monde, il y en a 17, qui travaillent, je te rappelle, dans 95 pays quand même. Bon, mais il y a 17 affiliés qui organisent leur Trail Walker une fois par an. Je sais qu'Oxfam, c'est une organisation internationale et... Moi, je sais qu'en plus, Oxfam, ils ont des magasins, par exemple en Belgique ou... Ou surtout en Angleterre. Ou en Angleterre, du commerce équitable, etc. Bah, c'est une visibilité, les magasins. Mais là, pour le trail, pour le coup, c'est plutôt en rase campagne. Médiatiquement, c'est pas très relayé. Mais la Confédération pousse le bouchon, je dirais, dans la direction de ce public qui a envie de se maintenir en santé. Et donc, en profil d'équipe, nous avons de tout. Effectivement, tout à l'heure, tu disais courir. Eh bien, il y a des furieux coureurs, des copains ou de femmes, hein, ou des équipes mixtes qui se font un défi de faire 100 km tous les quatre en courant. Donc, on a eu quelques exemples comme ça, hein, où des gens, les 30 heures, ben, ils ont arrivé dans les... Il y en a qui l'ont fait en 20 heures, hein, même... Oui, c'est-à-dire. Bon, alors, moi, il y a des bons marcheurs bedonnants hein, qui arrivent à la 29e heure. mais qui sont très contents d'avoir réalisé cet exploit, entre guillemets. Ok, donc moi, quand j'ai vu les affiches, je me suis dit, Oxfam, cette organisation qui sensibilise sur les injustices dans le monde, en quelque sorte, organise un événement sportif à Nancy. Sportif et solidaire. Et donc, c'est un événement à la fois sportif et solidaire. Je pense que j'aurai des questions sur l'aspect solidaire, mais pour l'instant, c'est l'aspect sportif. N'importe qui peut s'inscrire. Alors moi, je pensais que c'était que des gens qui couraient, mais ceux qui marchent, ils peuvent, bien sûr. C'est ça. Encore faut-il tenir les 100 km. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un contrat entre Oxfam et l'équipe pour tenir 100 km et avoir 30 heures pour ça. Et ça va se passer à Nancy, dans l'agglomération de Nancy. Voilà, départ place de la Carrière le samedi 7 juin à 8 heures. D'accord, ça c'est la date à retenir, le 7 juin à 8 heures. Retour avant le dimanche 14 heures, ça fait 30 heures. D'accord. Une boucle de 100 km dans la métropole, qui va partir vers le Zénith, puis vers Champignol, tourner vers Maron, enfin les écluses, la Neuville, revenir par le plateau de Malzéville, enfin je dis à la grosse comme ça. Et pour l'instant, il y a donc 97 ou 98 équipes inscrites, de 4, plus leurs supporters qui se déplacent à Nancy. Donc ça fait effectivement un peu de remplissage de nuitées, d'hôtels ou autre. Enfin, les gens viennent avec leur camping-car, enfin, des équipes qui viennent de loin, des équipes qui ont fait déjà ce trail 3, 4, 5 fois parce que... Ah, vous avez des habitués, vous avez des... Il existe depuis 2010, ouais. Trail Walker Oxfam France. Il a migré vers Lyon, Bordeaux. Il est resté longtemps dans le Morvan, c'est une région magnifique, dans le parc naturel régional. Et cette année, l'année dernière, voilà, les premiers rendez-vous ont lieu entre le staff d'Oxfam et la métropole et le maire de Nancy. Ouais, et il vient une idée là, en quoi c'est solidaire ? Alors, bonne question. En quoi c'est solidaire ? C'est la double peine, voilà. Et la bonne idée, c'est de le faire en ville pour toucher le maximum de monde. Enfin, non, pas du tout. Non, parce c'est pas qu'on ça. Trace vers la campagne, les marcheurs aiment bien les sols souples, donc on évite le goudron. Donc les gens qui tracent, les gens qui ont fait le tracé s'attachent à avoir des sous-bois, des D'accord. sentiers. Alors en quoi c'est solidaire ? Alors en quoi c'est solidaire ? C'est la double peine parce que chaque équipe la double peine. Doit lever... La solidarité c'est pas une double peine. Si, parce que c'est compliqué la solidarité, tu sais bien, on a de la peine à voir tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, non franchement, sérieusement... C'est 1 500 € par équipe qui doit être levé en levée de fonds et divisé par 4 marcheurs. Chaque marcheur doit solliciter ses copains, ses amis, sa famille par une page de collecte en disant voilà, je vais marcher 100 km, je vais suer 100 euros sans savoir si j'allais au bout. Donc s'il vous plaît, vous pouvez m'encourager avec vos petits dons perso de 10, 15, 20 euros. Et donc pour chaque marcheur, ça fait 375 euros si tu calcules bien. Et puis les pages de collecte fonctionnent depuis maintenant 3, 4 mois, 6 mois pour les équipes qui sont inscrites en premier. Et en général, les équipes arrivent à boucler sans trop de problèmes leurs 1 500 euros pour se présenter sur la ligne de départ. Parce que s'il n'y a pas les sous, il n'y a pas de départ. Mmh. Donc c'est vraiment un investissement personnel, un engagement fort. De l'argent aussi, bien sûr, pour la solidarité internationale, pour les actions d'Oxfam International, sur des zones... Des zones de conflit, enfin bon, Oxfam est présente à Gaza... Et c'est une levée de fonds assez formidable, effectivement, pour chaque affilié. D'ailleurs, en France, Oxfam en fait deux, des trails, un à Nancy, 7-8 juin, et un mois plus tard, à Dieppe. D'accord. Où à Dieppe, il y a encore plus d'inscrits, parce qu'il y a un 50 km à Dieppe. D'accord. Voilà. Et pour nos auditeurs, soit ils connaissent quelqu'un qui veut participer ou ils veulent monter une équipe, à ce moment-là, il faut qu'ils trouvent 1 500 euros parmi tous leurs copains. À cette heure-ci, fissa, il ne reste plus qu'un mois. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent participer autrement, d'une manière bénévole, par exemple, en aidant à l'organisation ? Complètement. C'est-à-dire... les gens de l'organisation Oxfam, l'équipe Event, recherchent actuellement à peu près 120 bénévoles sur le week-end. Et Event, ça veut dire événement ? Événement, c'est ça ? Ouais. Vous savez, bon, c'est anglais. Oxfam, c'est anglais, hein, mais bon, il faut qu'on comprenne, nous, en français. Hein. Équipe Event. Donc écoute, c'est pas mal pour avoir évoqué ça. Et peut-être c'est l'heure d'écouter tes choix musicaux. Hein. Parce qu'il paraît qu'en radio, au-delà de 9 minutes, on lasse les gens. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Oui, et eh bien merci Denis pour ce choix musical, toujours au point. Écoute, on en était assez bénévoles. Que... Oui, comment donc les gens ils peuvent participer en marchant bon. Ou en courant à 4, on sait que c'est 1 500 € pour par chaque équipe. Oxfam, pour chaque équipe. Et autrement, nos auditeurs, est-ce qu'ils peuvent participer, par exemple, comme bénévoles pour aider à l'organisation? Alors attends, une petite, avant de passer à ça, parce qu'il m'est arrivé quelques idées pendant la plage musicale. Tu sais que sur les levées de fonds à 1 500 €, j'ai un copain à Dijon qui m'a dit un truc... Il a négocié un prix de la bouteille de bière, de la bonne bière locale, tu vois, 75 centilitres, là. un prix professionnel. Il prend 1 € par bouteille. Hein, il a sollicité ses copains, sa famille, ses amis. Il a vendu 48 cartons de 6 bouteilles. À 1 € la boutanche, tu fais le compte. Ben, il m'a dit, écoute, Jean-Paul, s'il te manque des sous, on peut s'arranger. Donc, tu vois, la solidarité existe aussi entre équipes. Et il y a des équipes, je crois, qui arrivent à lever 3 000 à 4 000 €. Il y a certaines équipes qui ont un marqueur de leur entreprise. Les comités d'entreprise sont friands de ce genre de défis, parce que ça soude une équipe. Mmh. Et donc, pour avoir assisté à des trails au cœur dans le Morvan, il y avait une équipe de La Poste, par exemple. Alors là où ça fait mal, mais tant pis, tant mieux, c'est Vinci. Ben Vinci, écoute, à partir du moment où des gens d'Oxfam bossent chez Vinci et qui sont déjà le ver qui est dans la pomme, nous, ça nous va bien. Je veux dire, on est très critique aussi sur le système comme il va, mais on n'est pas dans le monde tel qu'il va, ben on est dedans et puis voilà. Cette petite aparté pour dire que on est plutôt ouvert d'esprit chez Oxfam sur toutes ces questions-là. Là, il y a peut-être un point de vigilance, mais je pense que Oxfam, quand je connais les gens qui sont au niveau national ou des gens qui sont engagés, je pense qu'il faut faire gaffe à ce qu'on appelle le greenwashing. Oui, mais ça, c'est différent. C'est différent, c'est-à-dire que des entreprises ne se fassent pas de la pub en finançant une équipe, quoi. Enfin, un problème. C'est pas l'objectif, ça. Un problème avec les équipes qui ont le message de leur sponsor, entre guillemets, qui leur dit ça. Ah, vous nous enverrez une photo avec le visuel dans le dos, machin. Ah, ça, on contrôle les images, c'est Oxfam. Il y a un reporter photographe tout le long des 100 km. Il y a les droits à l'image qui sont signés au préalable. Effectivement, c'est la dérive qui pourrait exister. On ne veut pas de la pub sur notre dos. Hein. On ne peut pas se faire récupérer. Mais ceci dit, ce qui est formidable, c'est que j'ai constaté que sur Nancy, il y avait déjà 30 équipes d'un seul coup qui sont inscrites entre décembre et janvier, là, qui l'ont fait 3-4 fois ce trail, qui sont très soudés, très unis entre eux, qui viennent de Saint-Étienne ou de la Bretagne ou du sud de la France, et qui traversent la France pour venir à Nancy, parce qu'ils prennent leur pied sur 100 km à 4. Voilà. Prendre le pied, c'est le dire, n'est-ce pas? Attention, les ampoules. Hein. Parmi tous les événements sportifs, c'est un des rares qui existe sous ce format-là. Oui, mais... C'est-à-dire qu'une semaine avant, à Nancy, il va y avoir le trail, super trail du Grand Nancy. Ah, d'accord. Un concurrent direct qui nous fiche un peu nous affiche la frousse. Juste avant. Juste avant. La semaine d'avant. Ils vont être peut-être deux fois ou trois fois plus nombreux. Ah ben nous, tant pis, tant mieux. On fait le contrepoint avec notre trail walker sage et discipliné et gentil, mais bon, très, très éprouvant. Et c'est très différent. Et ça capte, c'est là peut-être que tu voulais en venir, ça capte un public qui n'a jamais entendu parler d'Oxfam. Oui, ça, qui découvre Oxfam par un biais où on se fait mal, entre guillemets, mais on sait pourquoi, où on est dans quelque chose de... On est dans la respiration profonde aussi, dans des choses qui questionnent tout un chacun. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour des bénévoles qui voudraient filer un coup de main? Oui, absolument. Et les gens qui nous écoutent, là, qui se disent « Ah ouais, il se passe un truc intéressant, c'est dans la solidarité, j'ai envie de bosser un peu le week-end là. » En matière de porte d'entrée, un premier pied dans le bénévolat, c'est très pratique. Il suffit de peut-être aller sur la page Facebook de Fadjet et se signaler. Ou sur nancy@oxfamfrance.org. Dire « Voilà, je vous ai entendu, j'ai envie de... Qu'est-ce que c'est ce... ?» Voilà, il suffit de se présenter le vendredi soir, la veille. Il y a une formation aux bénévoles dans le gymnase de la Pépinière. Effectivement, Oxfam tient absolument à former ses bénévoles pendant quelques heures. Pas rébarbatif du tout, hein, parce que les gens sont très, très prêts à... Ils ont compris le message. Non, mais c'est quand même un gros événement. Il faut que les gens, ils sachent où ils mettent les pieds, quoi. Et à cette heure-ci, il y a 70 bénévoles, grosso modo, d'inscrits. Il reste un mois. L'équipe Even souhaiterait au moins 100 bénévoles, donc il en manque une grosse trentaine. C'est de la logistique, c'est transporter des packs d'eau ou bien des barnums d'un PC à l'autre, parce qu'on ferme les PC au fur et à mesure de l'avancée des marcheurs. C'est pour ça que la logistique est très importante, et en plus les marcheurs ne portent rien. Oxfam fournit les bananes séchées, les raisins secs, l'eau, etc. Et un repas chaud juste avant la nuit. Et des masseuses, masseurs, kinésithérapeutes de l'école de Dijon, qui vous retapent un marcheur en l'espace d'un quart d'heure. Oui, parce que bon, sans bornes, c'est pas... C'est pas anodin. C'est pas rien, quoi. Hein. Sans bornes, c'est pas anodin. Ok. Voilà. Donc, il y a de la place pour des gens qui voudraient découvrir Oxfam. C'est-à-dire, je pense aussi que Oxfam dit ses combats. Oui. C'est pas le moment. Hein. On a un site Oxfam qui est très bien fait pour tout ce qu'on fait. Mais effectivement, on ouvre la porte à des associations nancéennes, amies, voisines, qui pourraient tenir un stand. Pourquoi pas, on leur offre la possibilité de mettre un peu de visuel sur nos stands à nous. Je pense à Greenpeace, je pense peut-être à toi, Denis. Si Mouvement pour une alternative non violente. Nous, on est proche des combats d'Oxfam et ce trail nous fait bien rigoler en attendant. D'accord. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a fait toutes les questions, là. Et tu es un professionnel de la radio ou pas? Presque. Ben, écoute, on va se dire à bientôt. Oui, il faut retenir le 7 et le 8 juin. Absolument. Et puis, se signaler pour les auditeurs s'ils veulent être sur cet événement comme bénévole. Alors, quelques heures, hein, bon, mais il faut s'inscrire pour le vendredi soir pour être formé à minima. Ça, c'est... Oui, ça, c'est bien. Mmh. Eh bien, un autre choix de ta part, Denis, je trouve... Oui, Natacha Atlas. Content de s'être trouvée aujourd'hui à Fadjet. Avec du rythme, Natacha Atlas. À bientôt, peut-être pour une autre émission avec toi ou des amis. Ouais. Ciao, ciao. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Celui qui peut croire, moi j'ai besoin.